commander en ligne, mais faire vivre le commerce en vrai. C'est possible. Et ça s'appelle épicerie.com, avec un Y. La nouvelle application qui soutient les commerces et restaurants de proximité en vous livrant le meilleur de leurs produits dans l'heure. Commandez dès aujourd'hui auprès de vos commerçants lyonnais. Épicerie, vive le commerce vivant! Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le massacre de Srebrenica, l'un des épisodes les plus tragiques de la guerre de Bosnie. Souvenez-vous de cette décennie 90, quand en plein cœur de l'Europe, à quelques heures de Paris, les Balkans s'embrasaient. Le XXe siècle avait commencé dans la violence à Sarajevo, avec l'attentat qui a déclenché la Première Guerre mondiale. Il s'est terminé dans la violence à Sarajevo et dans tout l'ex-Yougoslavie, avec son cortège de crimes, viols, tortures, exactions. Qu'elles soient civiles ou militaires, les guerres contemporaines touchent d'abord des civils. Les habitants de Srebrenica étaient de ceux-là. Srebrenica, c'est aussi l'histoire des casques bleus, celle des humanitaires, celle des ONG, c'est le temps du droit d'ingérence à la française, cher à Bernard Kouchner, et des échecs de cette nouvelle diplomatie au sein de laquelle l'Europe balbutie. Aujourd'hui, ce récit bosniaque prend une connotation particulière, car le nationalisme tue toujours, on le voit évidemment en Ukraine, envahi le 24 février dernier par la Russie, au nom de la soi-disant protection des minorités russes qui vivent dans le pays de Zelensky. Alors, Srebrenica, Mariupol, même combat, même souffrance. Les crimes commis à Boutcha, comme ceux commis à Srebrenica, Milosevic, Poutine, bonnet blanc et blanc bonnet. À défaut de comparaisons qui ne sont pas toujours raisons, parlons au moins de résonance. C'est ce que nous ferons avec notre invitée aujourd'hui, Florence Hartmann, journaliste, écrivaine, spécialiste de la justice internationale. Elle a été l'ancienne porte-parole de la procureure du tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Biziot et Camille Mathy. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. En fuyant, nous avons été obligés de traverser de nombreux champs de mines. Nous savions parfaitement sur quoi nous marchions. Mais nous n'avions pas d'autre possibilité. Au cours de l'après-midi, les tirs allaient s'intensifier. De nouveau, 9 blessés, pour la plupart des civils, gravement touchés par des éclats d'obus arrivés à l'hôpital. Nous étions convaincus que le front se rapprochait. À côté de cet endroit, il y avait une clairière où se trouvaient beaucoup de blessés. Lorsque nous sommes descendus dans la clairière, il faisait noir. Il y avait plein de cadavres. J'ai remué les corps pour voir si je pouvais reconnaître un de mes frères. Il restait des blessés, mais on ne pouvait rien faire pour eux. Srebrenica, 14 mars 1993. Général Philippe Morillon. Dans les Balkans, terre de l'ancienne Yougoslavie de Tito, c'est l'année des indépendances, celle de la Slovénie et de la Croatie. Et c'est l'année du début des guerres lancées par Slobodan Milosevic, président de la Serbie et promoteur d'un rêve fou, la Grande Serbie, une terre pour tous les Serbes, sans Croates, sans Bosniaques. Un an plus tard, en avril 1992, débute la plus longue et symbolique guerre des Balkans, la guerre de Bosnie. Une guerre internationale entre la Bosnie-Herzégovine, indépendante par les urnes et reconnue par la communauté internationale depuis le 1er mars 1992, et la République serbe de Bosnie-Herzégovine, officiellement créée le 27 mars 1992. Deux Bosnies, deux indépendances, sur un même territoire, la guerre ne pouvait qu'éclater. Le 5 avril 1992 débute le plus long siège de l'histoire de la guerre moderne, celui de la ville de Sarajevo, encerclée par les Serbes de Radovan Karadzic. Pour les habitants de Sarajevo commence alors une survie sous les bombardements quotidiens. Les habitants sont tués en pleine rue à l'aveugle par des snipers perchés en haut des collines alentour. La faim, le manque de vivres, le manque de tout, le plein d'angoisse. Les forces en présence sont inégales. L'armée serbe de Bosnie, dirigée par le sinistre Ratko Mladic, compte entre 75 000 et 80 000 hommes. En face, ils sont tout juste quelques milliers. Très vite, et logiquement, les Serbes contrôlent près de 70% du territoire. Dans cette guerre en plein cœur de l'Europe, la communauté internationale hésite, se contredit. Pendant l'été 92, on apprend l'existence de camps de détention pour civils en Bosnie. Des journalistes sont sur place, ils montrent des visages amaigris derrière des barbelés, ils bouleversent le monde. Peu à peu, l'opinion mondiale braque son regard et ses caméras vers l'ex-Yougoslavie. On parle alors d'épuration, oui, de nettoyage ethnique. Sur les traces des Serbes, on entend toujours les mêmes histoires de viols, de saccages, d'exécutions. La terreur est utilisée comme arme pour vider la population indésirable de toute une région. Alors l'ONU prend l'initiative tout de même. Le 8 juin 92, elle met en place en Bosnie-Herzégovine la force de protection des Nations Unies, la FORPRONU. Son mandat principal, c'est l'acheminement de l'aide humanitaire. Le 13 août 92, l'ONU condamne la pratique du nettoyage ethnique. Le 15 septembre de la même année, le Conseil de sécurité des Nations Unies autorise l'envoi en Bosnie d'un renfort de bataillons de casques bleus. On stabilise la région, mais on fige les positions des deux camps, donc au profit des plus forts, les Serbes, qui bénéficient de l'équipement et des hommes de l'armée fédérale yougoslave, dont, ne l'oublions pas, la capitale était Belgrade, qui est aussi la capitale de la Serbie. Au cœur de cette guerre d'usure, des enclaves musulmanes résistent aux assauts ponctuels des Serbes. C'est le cas de la petite ville thermale de Srebrenica. Elle est située au milieu d'une région rurale à majorité musulmane. Connue pour son tourisme et son industrie minière, elle sera bientôt le théâtre de l'un des épisodes les plus terribles de la guerre de Bosnie. Alors question, à quoi sert un soldat de la paix sans armes? Qui sont les responsables? Pouvait-on éviter l'impensable? Printemps 1993, la région de Srebrenica est coupée du monde depuis près de 11 mois. Bombardée quotidiennement, sans électricité, ni eau potable, ni vivres, des milliers de réfugiés débarquent pourtant dans cette citadelle bosniaque qui résiste encore et encore aux hordes de Serbes. Petit à petit, les lignes de défense bosniaques cèdent du terrain. 9 mars 1993, l'ONU accepte de lancer une mission de secours de l'enclave de Srebrenica. C'est le temps où les humanitaires et les militaires marchent ensemble et c'est un moyen pour l'ONU de prendre position sans aller trop loin. C'est le général français Philippe Morillon, chef de la FORPRONU, qui prend la tête de cette colonne de camions blancs remplis de vivres et de médicaments. Il négocie pendant plusieurs jours avec les forces serbes. Puis, des premiers observateurs de l'ONU et des médecins prennent la route vers Srebrenica. Ils traversent alors une succession de villages abandonnés que seule la cendre et le silence habitent encore. Puis, Srebrenica, enfin. La cité thermale est devenue un ghetto qui se remplit chaque jour de nouveaux venus, partis souvent à la hâte, sans vêtements ni même chaussures. La nuit, la grande avenue de la ville est éclairée par de toutes petites sources de lumière. Car ici, on se réchauffe comme on peut, brûlant tout ce qui reste, d'où cette odeur âcre, persistante. Le lendemain, jour de départ de cette mission express, les assiégés de Srebrenica refusent que la délégation de l'ONU reparte. Philippe Morillon décide alors de rester sur place et déclare devant la population « Nous ne vous abandonnerons pas ». Le 14 mars, sa voix résonne sur les ondes de France Inter. À Srebrenica, en Bosnie orientale, on attend l'arrivée d'un convoi humanitaire des Nations Unies qui aurait reçu l'autorisation de se rendre dans l'enclave musulmane assiégée par les Serbes. Sur place, témoin privilégié, le général français Philippe Morillon, commandant des forces des Nations Unies dans la région. L'officier français justifie sa présence dans le secteur dans une déclaration qu'il vient de faire à nos confrères de TF1. Écoutez, c'est assez difficile. Oui, bien sûr. Je pensais qu'une tragédie s'y préparait. Maintenant que je suis là, je sais qu'une attaque sur Srebrenica serait un crime contre l'humanité et je suis là pour l'empêcher. Maintenant, j'attends comme une première priorité l'arrivée du convoi. Il faut que les pressions au niveau politique, diplomatique et de l'opinion mondiale continuent pour que ce convoi arrive. C'est une question de vie ou de mort. Un cessez-le-feu est signé entre Philippe Morillon et Radko Mladic. Le HCR, Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, est autorisé à évacuer une partie de la population de Srebrenica. Mais à son arrivée, les camions blancs de l'ONU sont pris d'assaut. Rappelez-vous ce printemps 93, quand on découvre sur nos écrans de télévision les images de cette foule essayant de monter coûte que coûte dans les véhicules. Des images insoutenables de bousculades, de cris de personnes piétinées de corps retrouvées à l'arrière des camions pour avoir tenté de s'enfuir de cette ville assiégée. Des membres de Médecins Sans Frontières, l'une des plus grandes ONG médicales du monde, témoignent alors de la détresse de cette ville, comme Thierry Ponctu, dans le journal de 20h sur France 2. La situation à l'intérieur est celle de, des problèmes de nutrition, d'infection, de surpopulation que l'on peut, je pense, imaginer. Ce qui m'a marqué le plus et qui m'a choqué le plus, c'était les évacuations. Les évacuations ont été des moments absolument dramatiques parce qu'on s'est retrouvé devant toutes ces femmes qui veulent monter dans les camions et nous avions établi un plan d'évacuation qui, je crois, était relativement logique avec les gens du NHCR. Et j'aime autant vous dire que lorsqu'on participe à cela, et notamment quand il faut vider des camions dans lesquels les gens s'étaient préalablement installés, c'est quelque chose d'absolument épouvantable à faire. Le 18 avril, l'ONU vote la résolution 819 qui déclare Srebrenica zone de sécurité sous la protection des casques bleus. Quatre enclaves, dont Sarajevo, sont par la suite concernées par cette mesure. Un bataillon de casques bleus est mis en place à Potokari, c'est à quelques kilomètres de Srebrenica. En échange de cette protection onusienne, on demande aux Bosniaques des enclaves musulmanes de déposer le reste des armes qu'ils possèdent. L'avenir des 40 000 réfugiés de la ville est désormais lié au bon vouloir de la communauté internationale et aux moyens mis en place par les ONG ainsi que par le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. Nous n'abandonnons pas. Général Philippe Morillon. Nous n'abandonnons pas. Après quelques mois, le cessez-le-feu est fragile et la paix reste lointaine. Loin des salons de Genève, où on espère toujours une sortie politique à la crise des Balkans, à Sarajevo et ailleurs, le bruit des bombardements continue de rythmer le quotidien des assiégés. En janvier 1994, Jean Cotte, le général français à la tête des casques bleus de Bosnie, est démis de ses fonctions après de vives critiques sur les moyens militaires et les possibilités d'un fort pronu face aux belligérants. L'année 1994 est une accumulation de drames, de violations des zones dites « protégées ». Les Serbes poursuivent leur stratégie d'étranglement sur les enclaves. À l'ONU, d'autres terres en flammes, d'autres images focalisent désormais l'attention, comme celle du Rwanda, où un autre drame se dessine, un génocide. En 1995, les Serbes lancent de nouvelles offensives. En mai, Sarajevo est de nouveau sous les bombes et dans le viseur des snipers. La force pronue lance un ultimatum, puis procède le 25 mai via l'OTAN à des frappes contre les positions stratégiques des Serbes. Le lendemain, une nouvelle incroyable arrive dans les rédactions. Les Serbes attaquent les casernes des casques bleus. Plus de 400 soldats sont pris en otage. L'humiliation est filmée par la télévision serbe, puis diffusée partout dans le monde. Malheureusement, après tous les jours passés dans de bons accords ici, la décision de vos politiciens d'autoriser l'ouverture du feu de l'OTAN par l'OTAN et les décisions de vos supérieurs de vous sacrifier dans des intérêts supérieurs ont amené jusqu'à cette situation désagréable aujourd'hui. Odnos prema vama bit će potpuno korektan. La relation envers vous sera tout à fait correcte. Zbog nametnute situacije tretirat ćete se kao ratni zarobljenici. À cause de la situation actuelle, vous serez considérés comme des prisonniers de guerre. I prema vama postupat će se po odredbama međunarodnog ratnog prava. Il sera agi envers vous d'après les conventions internationales de la guerre. Les images filmées par la télévision serbe sont une succession d'humiliations. Les soldats de la paix, désarmés, sont encadrés par les forces serbes, puis transportés par bus de région en région. Mais comment est-ce possible de mettre la main sur plus de 400 casques bleus? C'est pourtant la réalité. Et les négociations commencent. Le commandant français des forces de l'ONU en Bosnie, Bernard Janvier, rencontre à plusieurs reprises le chef de l'armée serbe de Bosnie, Radko Mladic. Par vagues, des casques bleus sont libérés. Les chefs serbes de Bosnie ne doutent de rien et testent ainsi la volonté de la communauté internationale de lui faire face. Les otages sont pour Mladic une monnaie d'échange, un bouclier humain. Il permet à ses troupes d'avancer. À Srebrenica, depuis le mois d'avril, sur les images satellites, on observe le déploiement d'unités militaires serbes supplémentaires dans la région. En face, rien n'est envisagé pour contrer une prochaine attaque. Le chef de la défense bosniaque de Srebrenica, Oric, est envoyé à Tuzla, au nord, tandis que le bataillon des casques bleus hollandais stationné à Potokari est réduit à près de 300 hommes. Quelque chose est en train de se préparer en Bosnie orientale. Nuit du 5 au 6 juillet, les troupes serbes de Mladic lancent l'offensive contre l'enclave musulmane de Srebrenica. Vers 3 heures du matin, 6 missiles s'abattent sur la ville, comme sur la base de l'ONU. La zone de sécurité, décrétée en 1993 par les Nations Unies, est sous les bombes. Le colonel Tom Armans, commandant des casques bleus de Srebrenica, réclame un soutien aérien à chaque fois. On le lui refuse. L'enclave est abandonnée, la guerre reprend à Srebrenica. Le 10 juillet, les forces serbes sont aux portes de la ville. Voilà ce que décrit l'un des membres de l'équipe de Médecins sans frontières sur place. Au cours de l'après-midi, les tirs allaient s'intensifier. De nouveau, 9 blessés, pour la plupart des civils, gravement touchés par des éclats d'obus, arrivaient à l'hôpital. À la demande du chirurgien qui ne pouvait plus faire face, nous avons sollicité par Telex l'aide du bataillon hollandais qui, dans son quartier général, disposait d'une structure médicale équipée. La réponse fut négative, une fois encore. Leur refus était accompagné des tirs de mitrailleuses qui, au loin, reprenaient de plus belle. Nous étions convaincus que le front se rapprochait. Et le 11 juillet, la nouvelle tombe sur les ondes de France Inter. Srebrenica est tombée, annonçait tout à l'heure l'ONU à Sarajevo. Les chars serbes sont entrés dans la ville, la population et les casques bleus fuient vers le nord de l'enclave. Malgré les assurances données hier à la force produite par l'état-major des forces serbes, l'offensive s'est donc poursuivie aujourd'hui. Dès 11h ce matin, les derniers postes d'observation néerlandais, la ville de Srebrenica elle-même et la base onusienne de Potočari, au nord de l'enclave, ont été bombardés, tandis que l'infanterie serbe avançait. L'intervention des avions de l'OTAN en début d'après-midi n'a rien changé. La ville est tombée vers 16h. Nul ne sait ce que les Serbes comptent faire de cette population complètement désemparée. On espère que les soldats se comporteront humainement, mais de nombreux précédents en Bosnie font redouter au contraire que la population civile ne fasse les frais des avancées serbes. Srebrenica est une enclave assiégée, il n'y a nulle part où les habitants pourraient se réfugier. La zone de sécurité décrétée en 1993 n'est plus. Srebrenica est une cité fantôme. Plus de 40 000 réfugiés de l'enclave fuient. Certains prennent la route des forêts vers le nord et vers l'enclave de Tuzla. D'autres vont vers Potokari et espèrent une ultime protection des soldats de l'ONU. Alors, loin des caméras et des journalistes, deux cortèges de réfugiés désespérés cherchent un refuge. Combien y survivront ? Haj da ti drago. Affaire sensible, aujourd'hui la guerre en Bosnie, le siège de Srebrenica. Le 12 juillet, les forces serbes ont pris le contrôle sur l'ensemble de l'enclave. Les hommes de l'ONU sont désarmés. Les 20 000 réfugiés arrivés la veille de Srebrenica, piégés et abandonnés, sont encerclés par les forces serbes. Des caméras à la solde du pouvoir serbe sont présentes. Nouvelles images funestes de propagande où l'on voit Mladic caresser la joue d'un jeune réfugié et il parle devant la caméra. Traduction. Toute personne qui souhaite rester peut le faire. Toute personne qui souhaite partir peut quant à elle quitter ce territoire. Nous avons à disposition suffisamment de bus et de camions. Vous serez transportés à Klagenj. Après ces derniers mots, les soldats serbes envoient quelques bonbons à la foule. Vers 13h, des dizaines de camions et de bus venus de Sarajevo arrivent aux portes du campement. On sépare alors les hommes valides, les vieillards, les femmes et les enfants. Ils ont dit à ma mère, toi tu resteras avec nous. Ma mère tenait mon petit frère. Ils l'ont arraché de ses bras et s'est mise à les supplier en criant que c'était son enfant. Elle a dit qu'elle resterait avec nous, qu'elle ne partirait pas sans nous. Mais maman a dû rester pour nous laisser partir. Tout est planifié, organisé, comme le nombre de bus et de camions indispensables à la réussite de l'opération de nettoyage. Les femmes et les enfants sont transportés dans des zones bosniaques. Les hommes, eux, sont gardés, selon les Serbes, pour être interrogés. Que peuvent-ils leur apprendre à part le quotidien à pourchasser ? Le soir même, au journal de France 2, des membres de MSF alertent encore une fois l'opinion sur ce qui se passe à quelques heures de Paris. Oui, ne l'oublions pas, au centre de l'Europe. Stéphane Obereit, coordinateur MSF Belgrade, livre les premières informations qu'il a obtenues sur ce qui se passe à Potokari. C'est une scène absolument horrible. Apparemment, les gens pleurant, criant, paniquant et étant chargés dans les bus, partant vers une direction... inconnu, pas confirmé. Les gens parlaient de direction de Tuzla, mais sans qu'on ait encore confirmation. Ce jour-là, certains casques bleus du bataillon hollandais collaborent avec les forces serbes dans la montée vers les bus. Le secrétaire général des Nations Unies, Boutros Ghali, arrive en Afrique, où il est attendu le 13 juillet à Kigali, au Rwanda, pour commémorer le souvenir du génocide des Tutsis. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aux abords de Srebrenica, dans les montagnes, une partie de la population, pour la plupart des hommes, anciens défenseurs de la cité, essaye de rejoindre par leurs propres moyens les territoires libres de Tuzla. Un homme muni d'une caméra amateur filme cette interminable colonne. Sur ces images, on aperçoit au loin Srebrenica, en flammes. Des visages fixent l'objectif. Armés de quelques fusils et de grenades, ils marchent en file indienne, sans un bruit. En fuyant, nous avons été obligés de traverser de nombreux champs de mines. Nous savions parfaitement sur quoi nous marchions. Mais nous n'avions pas d'autre possibilité. Nous avancions en file indienne en nous tenant la main. Le premier de la file était conscient qu'il serait la première victime s'il sautait sur une mine. Mais quelqu'un devait être le premier de la colonne. La colonne, longue de 12 km, est très vite traquée par les milices serbes. À plusieurs reprises, l'arrière est attaqué, les collines sont bombardées. Beaucoup sont faits prisonniers, d'autres sont exécutés. À côté de cet endroit, il y avait une clairière où se trouvaient beaucoup de blessés. Je n'osais pas y aller tout seul parce que de nuit, c'est trop dangereux. Tout le monde cherchait ses proches. Lorsque nous sommes descendus dans la clairière, Il faisait noir. Il y avait plein de cadavres. J'ai remué les corps pour voir si je pouvais reconnaître un de mes frères. Il restait des blessés. Mais on ne pouvait rien faire pour eux. Certains n'avaient plus de jambes, plus de mains. Un de ces blessés m'a dit: laisse tomber, donne-moi une grenade pour que je me fasse sauter avec un tchèknik. J'ai remué les corps d'au moins 50 personnes. Mais je n'ai pu trouver ni mon frère, ni mon cousin. Chaque nuit, en effet, la marche perd des hommes. On entend au loin le hurlement des blessés qu'on ne peut plus aider. Après plusieurs jours d'embuscade, de fuite, des survivants atteignent enfin Tuzla. L'ombre du crime apparaît alors sur nos écrans. Le poste de l'armée bosniaque à l'entrée de la ville de Tuzla. Les soldats qui ont fui Srebrenica viennent d'arriver. Nous assistons au premier contact qu'ils ont avec leurs camarades qui les croyaient morts. Ces hommes ont marché pendant 7 jours, traversé les lignes serbes sans nourriture ni munitions. Beaucoup sont arrivés à Tuzla pieds. Très peu de gens ont pu quitter Srebrenica. J'ai vu les Serbes prendre des garçons de 14 ans et des jeunes filles. Certains ont été tués, d'autres emmenés en prison. Puis les hommes vont chercher leur famille dans le camp de réfugiés, mais tous les 50 mètres, des femmes les arrêtent pour leur demander des nouvelles de leur mari, de leur fils. Celui-ci répond: la moitié des hommes ont été tués, nous étions 1000 quand nous sommes partis, nous ne sommes plus que 300 ici aujourd'hui. À Paris, la veille, le président Jacques Chirac reconnaît le rôle de la France dans la rafle du Veldiv. 50 ans après, en plein cœur de l'Europe, on sépare, on déporte, à cause de sa religion, de son appartenance, un autre groupe. Au lendemain de la chute de Srebrenica et des premiers témoignages, la communauté internationale réagit. Enfin, l'OTAN lance l'opération Force Délibérée, une opération de bombardement intensif contre les positions militaires de la République serbe de Bosnie. Dès le 7 août, les troupes croates et bosniaques reprennent 20% du territoire aux forces du général Mladic. Le 14 décembre 1995, après 4 ans de guerre, les accords de Dayton sont signés à Paris en présence de Slobodan Milosevic pour la Serbie, Franjo Tudjman pour la Croatie et Alija Izetbegovic pour la Bosnie. La Croix-Rouge déplore 8800 disparus, tous habitants de Srebrenica et des villages alentours. En 2007, Srebrenica fait de nouveau la une. Ratko Mladic, 12 ans après les faits, est enfin arrêté. Le bourreau de Srebrenica va être jugé. Le deuil des femmes et des enfants de Srebrenica peut enfin commencer. En 2007, la Cour internationale de justice qualifie les événements de Srebrenica de génocide orchestré par l'armée séparatiste serbe, dont les principaux responsables sont le président Radovan Karadžić et le chef de l'armée Ratko Mladic. La procédure judiciaire contre Karadžić est toujours en cours. Le verdict est attendu à La Haye courant 2015. Depuis 1995, l'écho du drame de Srebrenica a touché bien au-delà des frontières de Bosnie. En 2002, après la publication d'une enquête réalisée par les autorités néerlandaises, le gouvernement dirigé alors par Wim Kok démissionne. Le 16 juillet dernier, la justice néerlandaise a reconnu la responsabilité civile des Pays-Bas dans la mort de plus de 300 musulmans de Bosnie. En France, une commission d'enquête du Sénat s'est aussi penchée sur les événements de Srebrenica, puisque les casques bleus néerlandais se trouvaient sous les ordres du général français Bernard Janvier, commandant d'un fort Pronu. Aucune démission, aucune déclaration n'a suivi ces auditions. Rappelons que Bernard Janvier et le secrétaire général des Nations Unies en ex-Yougoslavie, Yasuhi Akashi, se sont opposés à des frappes aériennes contre les forces serbes. Srebrenica est un échec, un de plus dans l'histoire de la communauté internationale et de l'ONU, et pose la lancinante question qui revient à chaque conflit. Doit-on intervenir? Pourquoi? Jusqu'à quand? Thank you. Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Srebrenica, notre invité Florence Hartmann. Bonjour. Bonjour. Journaliste, écrivaine, spécialiste de la justice internationale, vous avez été porte-parole de la procureure du tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, le thème qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, la justice internationale a statué sur l'incendiaire Slobodan Milosevic, inculpé en 2001 de crimes lors de la guerre en ex-Yougoslavie. Parmi les accusations retenues contre lui, figuraient des crimes contre l'humanité, des meurtres, des déportations et des persécutions. Quant au drame de Srebrenica, il était qualifié de génocide par la justice internationale. Est-ce qu'il est au cœur de cette justice-là? Je dis ça parce qu'il y a aussi le massacre du marché de Sarajevo. Mais est-ce que Srebrenica fait pencher la balance d'une justice internationale pour cette guerre-là? Srebrenica a un rôle particulier et a été qualifié de génocide. Et les hauts responsables ont été tous poursuivis pour leur rôle de commandant ou d'incitateur à ce massacre de Srebrenica. Donc même Milosevic a été poursuivi pour génocide. On ne connaît pas le jugement parce qu'il est mort juste avant la fin du procès. Ces procès-là sont très longs parce qu'il y a un échantillon, si j'ose dire. Donc toutes les victimes ne se retrouvent pas, hélas, mais il y a un échantillon des crimes qui se sont produits sur la longueur d'une guerre. Quand on prend les hauts responsables, on prend une période longue, par exemple sur la guerre en Bosnie de 92 à 95. Et cet échantillon sert à démontrer quel est le type de crime, si c'est systématique, s'il y a une politique criminelle volontaire. Préméditée, organisée. Organisée, qui se reproduit, qui est généralisée, qui est délibérée. Tous ces éléments-là sont très importants parce que juger un seul crime à part, comme ces derniers jours où on a parlé de Boutcha, n'est pas suffisant, parce que ça peut être le fait d'une unité particulière, ça peut être une bavure, ça peut être etc. etc. jusqu'à un élément d'une vraie politique, donc d'un crime contre l'humanité ou de génocide. Donc il faut sur des guerres où il y a une politique criminelle, et c'est ce qui a été démontré devant la justice internationale. Ce sont des procès qui sont très longs, des enquêtes qui sont longues et qui sont parfois pénibles à suivre pour le public au niveau international, parce que c'est l'histoire de personnes, de villages et d'événements qui nous étaient très proches lorsqu'ils se sont produits, mais qui sont trop détaillés pour un public, contrairement à la Deuxième Guerre mondiale et l'intérêt qu'on pouvait avoir sur un procès comme Nuremberg, voilà. Que nous dit Srebrenica des guerres contemporaines, finalement? La question est large, je l'avoue, mais... Srebrenica, nous dit, parce que c'est un cas paroxystique. Merci. Qui arrive au bout d'une guerre qui est déjà la deuxième de ceux qui en sont tenus pour responsables, donc le régime de Slobodan Milosevic et ses hommes sur le terrain, le régime de la Serbie de l'époque. Et il nous montre l'extrême de ce que peut être de ces guerres modernes qui sont des guerres contre les civils. C'est la première fois. Et c'est là où je voulais en venir, absolument. Parce que jusque-là, c'était une proportion supérieure de combattants, donc de soldats. Alors la Première Guerre mondiale étant le maximum, moins sur la Deuxième Guerre mondiale, mais moins par exemple sur des guerres comme le Vietnam, etc., où il y a des civils, parce que c'est de l'arrière-fond qui est touché, qu'il y a un mélange. Dans les formules guérilla, etc. Mais là, ce sont des guerres dont l'objectif est en partie militaire territorial. Mais ça, une fois que c'est fait, ce ne sont que les civils qui sont visés. Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans toutes les guerres modernes. Et là, celle qui marque la toute fin du XXe siècle et, hélas, marque le XXIe siècle tel qu'il a commencé, ce sont les civils qui sont les premières cibles et les premières victimes de ces guerres. Et on se souviendra aussi, pendant la Seconde Guerre mondiale, les victimes civiles, juives notamment, et puis un peu partout aussi, hein, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, au vu des images, des informations et témoignages qui nous proviennent d'Ukraine, parce qu'on va parler d'Ukraine, il y a forcément des résonances, c'est le cœur de notre sujet, et vous dressez vous-même des parallèles entre les logiques guerrières de Milosevic et celles de Vladimir Poutine, deux incendiaires, on peut le dire. Deux incendiaires, dans les deux cas, sur le territoire européen. Mmh. Il faudrait rappeler à Poutine d'ailleurs que tous ceux qui se sont lancés dans des mésaventures funestes comme celle-là sont tombés. Hein, il n'y en a pas un qui s'en est sorti. Je ne sais pas si Poutine y pense, c'est son problème. Non, mais ce sont des dirigeants qui se maintiennent au pouvoir grâce à la guerre. Ouais. Donc ça, c'est très important à comprendre parce qu'elle se prolonge. Mais qui, s'ils la perdent, perdent le pouvoir en même temps. Bien sûr. François Mitterrand avait dit... Il n'est pas le seul, mais on se souvient de cette déclaration, le nationalisme, c'est la guerre. Donc, évidemment, la guerre en ex-Yougoslavie est purement une guerre nationaliste, hein, c'est son dénationalisme. Ce qui se passe aussi en Russie, et dans l'esprit de la Russie, c'est aussi totalement nationalisme. Le nationalisme, c'est la guerre, on en a une nouvelle preuve. Absolument, c'était l'URSS et la Yougoslavie étaient des fédérations composites, et au moment de leur dissolution après la chute du mur de Berlin, la fin du communisme, donc les composants de ces fédérations ont droit à l'indépendance. C'était autorisé, c'était prévu, dessiné dans les constitutions. Mais il y a un refus, de la même manière de la Russie que de la Serbie, de laisser partir ces territoires qui, d'une certaine manière, sont considérés comme appartenant au peuple le plus important ou le plus puissant de ces ensembles. C'est vraiment le même mécanisme. Le même mécanisme dans le cadre ou en même temps que la dissolution. L'argument est toujours notre peuple dispersé, parce que, évidemment, dans ces ensembles-là, qui sont des héritiers d'anciens empires multiethniques aussi. Donc, tout le monde n'est pas comme dans une boîte d'œufs, dans sa case. Les populations sont dispersées. L'histoire est faite de cela. Et c'est le prétexte pour dire « je veux plus de territoire ». Donc, ce sont des dirigeants belliqueux, conquérants, avec une volonté impérialiste, ou on l'appelle comme on veut, enfin, expansionniste territorialement. Et la négation de ceux qui nous ressemblent. Alors, pour Poutine, ce sont les Ukrainiens, on l'entend chaque jour depuis ces derniers mois. Pour Milosevic, ce sont ses voisins, notamment en Bosnie, les musulmans slaves, donc qu'on appelle les bosniaques aujourd'hui, qui seraient des convertis donc pendant la période ottomane, et qu'il faut ramener, récupérer, en tout cas prendre leurs terres et puis les éliminer s'ils ne se soumettent pas. Donc c'est toujours l'utilisation de la propagande nationaliste, parce que le nationalisme, il a été exacerbé, il était plus ou moins endormi. Il y a eu une volonté politique par des de pays préparation. Fédérés. Absolument. Oui. C'est la fin du communisme, les dirigeants en place ont perdu l'argument politique pour rester, qui leur assurait le pouvoir, il y avait un parti unique, là ils changent de crèmerie, ils vont dans le nationalisme pour essayer de poursuivre leur maintien au pouvoir. Et on agite le séparatisme en disant, bah là, il y a une communauté. Alors, Poutine nous dira de russophones, Milosevic nous dira d'une population orthodoxe qui se déclare serbe. Donc, c'est un prétexte pour dire qu'ils sont menacés. Donc, même argument que pour Poutine, un peuple menacé, dispersé. Donc, on intervient. Menacé de génocide, le terme est employé. Et là, on peut intervenir et on se retrouve dans légitime. Une situation complètement similaire à la Géorgie, à l'Ukraine. Sarajevo, Mariupol, logique de siège hein, dans les deux, mais est-ce que la comparaison est pertinente? Oui et non, c'est logique de siège, absolument. Il y a eu une volonté de prendre Sarajevo pour en faire ce qu'on ne peut pas savoir puisque ça ne s'est pas produit, de la même manière que Poutine avait envisagé de prendre l'Ukraine, c'est-à-dire entrer dans Sarajevo pour décapiter le pouvoir et pour pouvoir décider du destin de l'ensemble de l'État, pour le démanteler ou le soumettre entièrement, qui a été un échec pour Milošević aussi au tout début, en mai 92, la guerre ayant commencé juste 15 jours, 3 semaines avant. Sinon, l'idée du siège, on a un parallèle dans l'ex-Yougoslavie qui a été la guerre avant la Bosnie, celle qui s'est déroulée en Croatie en 91, et c'est Vukovar. Oui. On pense à ça parce qu'on pense au dernier carré que défendaient les défenseurs de Vukovar. Les Croates. Il y avait quelques étrangers qui étaient là, donc il y a des similitudes. Certains étaient venus avec une idéologie, c'était très mixte et il y avait certains qui peuvent évoquer les Azov pour les quelques membres qui seraient d'extrême droite, etc. Il y avait un mixte, c'était pas du tout tout le monde, mais il y en avait quelques-uns et qui se sont rabattus dans l'hôpital de Vukovar, pas dans la Syrie comme à Mariupol, mais qui n'étaient pas certains de pouvoir survivre. Ils espéraient que la présence internationale d'observateurs, c'était l'ONU à l'époque, comme aujourd'hui on voudrait que le CICR soit présent à Mariupol, parce qu'ils savent qu'ils seront exécutés. On se retrouve dans 3 minutes après avoir écouté Stromae qui nous chante une chanson des circonstances, L'Enfer. Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est, beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire, ces pensées qui me font vivre un enfer, ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité, mais faut bien se changer les idées, pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête, et c'est trop tard pour que ça s'arrête, c'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire, ces pensées qui me font vivre un enfer, ces pensées qui me font vivre un enfer. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Laurence Hartmann, on connaît les liens quasi organiques qui existent entre les Russes et les Serbes. Est-ce que il y a un danger que les Balkans deviennent le théâtre d'un second front que la Russie ouvrirait dans sa confrontation avec l'Occident? Alors c'est une perspective un peu pessimiste, hein, mais est-ce qu'il faut l'exclure? Les responsables de la politique étrangère de l'Union européenne et le secrétaire général de l'OTAN le craignent. Depuis une décennie, les Russes ont assis leur influence dans la région dans un but très précis, déstabiliser l'Europe par cette région, et essayer de mettre sous leur coupe tous les pays qui ne sont pas encore entrés dans l'OTAN et dans l'Union européenne. Et évidemment, en s'appuyant sur les Serbes et en les convainquant d'une vieille amitié et proximité culturelle et religieuse, etc. L'amitié, historiquement, c'est pas si vrai que ça, hein, dans l'histoire. C'est une légende. C'est entretenu, quoi. Voilà, mais parce bon, peu importe, ça c'est instrumentalisé et ça a eu un résultat. Et Poutine a des liens extrêmement directs avec soit les dirigeants à Belgrade, et en particulier les dirigeants les plus nationalistes serbes en Bosnie, avec la volonté de déstabiliser, d'empêcher. Pendant la guerre en Ukraine, on a un ambassadeur russe à Sarajevo qui dit si jamais la Bosnie entre dans l'OTAN, ça sera un cas d'hostilité contre la Russie. Nous répondrons, comme ils sont en train de le dire d'ailleurs pour la Finlande. Donc on a ce langage là. Le bras droit de Poutine, dont on parle maintenant comme successeur, qui est Nikolaï Patrouchev, donc c'est vraiment maintenant, tout le monde sait de qui il s'agit, devait se rendre à Belgrade le 5 mars de cette année, donc quelques jours seulement après le début. Et dans ce plan qui a échoué de Poutine, de régler le sort, si j'ose dire, de l'Ukraine en quelques jours seulement, c'était de déplacer le conflit, non pas avec les chars, mais d'une autre manière, mais dans le cadre d'une confrontation avec les Européens, dans les Balkans. Encore faudrait-il que les Serbes jouent le jeu. Ils ont connu une guerre, on n'est pas certain que... Ils étaient prêts à jouer le jeu en déclarant l'indépendance de l'équivalent du Donbass, si j'ose dire, hein, donc l'entité serbe en Bosnie-Herzégovine, qui elle est déjà sous leur contrôle, donc le travail militaire était déjà fait, c'était la partie politique qu'ils continuaient à faire et qui aurait complètement déstabilisé la région. Et les Européens se sont réveillés une fois que la guerre en Ukraine avait commencé. On va terminer par une de vos citations. C'est une question que vous posiez dans un article de la revue Esprit en avril 2021, il y a à peine plus d'un an. Question qui devient aujourd'hui essentielle, et vous écriviez « L'absence de commémoration autour du massacre de Srebrenica cristallise le renoncement des démocraties occidentales à défendre le droit humanitaire international, vu aujourd'hui comme une contrainte et non plus comme un garde-fou. Il est pourtant essentiel, écrivez-vous, d'entretenir cette mémoire afin de préserver les acquis douloureux du XXe siècle en matière de justice internationale. » On n'a pas le temps de commenter, mais je voulais vous citer. Pour ne pas recommencer. Voilà. Merci infiniment. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Srebrenica, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Vincent Dezière. Et puisque nous sommes vendredi, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Margot Pinel, Isabelle Maillot, Sophie Bobert, Jean Bulot et Romain Weber. Attaché de production, Rebecca de Nantes. Programmation musicale, Valentine Chedebois. Lecture, Aurélien Labrière, Philippe Pirard, Laetitia Chéret, Philippe Rétien et Cécile Ribocaillol. Coordination, Christophe Barrère. Réalisation, Marion Lelay, Flora Bernard, Stéphane Combe et Camille Mathy.